On tient un marché de Noël le 20 décembre à l'hôtel de Scotstown. À Saint-Isidore de Clifton, sur n'importe quel achat à la friperie, courait la chance de gagner un des trois paniers de Noël d'une valeur de 50 $ chacun. Le tirage aura lieu le 20 décembre. Le 21 décembre, à l'hôtel de ville de Scotstown, le Père Noël sera présent vers 13 h pour remettre des présents aux enfants de la municipalité. Le centre de femmes La Passerelle informe que leurs bureaux seront fermés du 21 décembre 2014 au 4 janvier 2015. Le 22 décembre à 19 h, à la grande salle de l'hôtel de ville de Scotstown, on présente Boreal Express, version française du film Polar Express. Entrée libre.